Section 4. De Mémoire d'Outre-Tombe, volume 4. Par François René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lui par Christiane Jehan. Quatrième partie. Livre premier. Suite. À l'époque de la peste d'Athènes, l'an 431 avant notre ère, 22 grandes pestes avaient déjà ravagé le monde. Les Athéniens se figurèrent qu'on avait empoisonné leur puits. Imagination populaire renouvelée dans toutes les contagions. Thucydide nous a laissé du fléau de l'Attique une description copiée chez les anciens par Lucrèce, Virgile, Ovide, Lucain, chez les modernes par Boccace et Manzoni. Il est remarquable qu'à propos de la peste d'Athènes, Thucydide ne dit pas un mot d'Hippocrate, de même qu'il ne nomme pas Socrate à propos d'Alcibiade. Cette peste, donc, attaquait d'abord la tête, descendait dans l'estomac, de là dans les entrailles, enfin dans les jambes. Si elle sortait par les pieds, après avoir traversé tout le corps comme un long serpent, on guérissait. Hippocrate l'appela le mal divin et Thucydide le feu sacré. Ils la regardèrent tous deux comme le feu de la colère céleste. Une des plus épouvantables pestes fut celle de Constantinople au Ve siècle, sous le règne de Justinien. Le christianisme avait déjà modifié l'imagination des peuples et donné un nouveau caractère à une calamité, de même qu'il avait changé la poésie. Les malades croyaient voir errer autour d'eux des spectres et entendre des voix menaçantes. La peste noire du XIVe siècle, connue sous le nom de la mort noire, prit naissance à la Chine. On s'imaginait qu'elle courait sous la forme d'une vapeur de feu en répandant une odeur infecte. Elle emporta les 4/5 des habitants de l'Europe. En 1575, descendit sur Milan la contagion qui rendit immortelle la charité de Saint Charles Borromée. 54 plus tard, en 1629, cette malheureuse ville fut encore exposée aux calamités dont Manzoni a fait une peinture bien supérieure au célèbre tableau de Boccace. En 1660, le fléau se renouvela en Europe, et dans ces deux pestes de 1629 et 1660 se reproduisirent les mêmes symptômes de délire de la peste de Constantinople. Marseille, dit M. Lemontet, sortait en 1720 du sein des fêtes qui avaient signalé le passage de Mademoiselle de Valois, mariée au duc de Modène. À côté de ces galères, encore décorées de guirlandes et chargées de musiciens, flottaient quelques vaisseaux apportant des ports de la Syrie la plus terrible calamité. Le navire fatal dont parle M. Lemontet, ayant exhibé une patente nette, fut admis un moment à la pratique. Ce moment suffit pour empoisonner l'air. Un orage accrut le mal et la peste se répandit à coups de tonnerre. Les portes de la ville et les fenêtres des maisons furent fermées. Au milieu du silence général, on entendait quelquefois une fenêtre s'ouvrir et un cadavre tomber. Les murs ruisselaient de son sang gangréné et des chiens sans maître l'attendaient en bas pour le dévorer. Dans un quartier dont tous les habitants avaient péri, on les avait murés à domicile, comme pour empêcher la mort de sortir. De ces avenues de grands tombeaux de famille, on passait à des carrefours dont les pavés étaient couverts de malades et de mourants étendus sur des matelas et abandonnés sans secours. Des carcasses gisaient à demi pourries avec de vieillardes mêlées de boue. D'autres corps restaient debout, appuyés contre les murailles, dans l'attitude où ils étaient expirés. Tout avait fui, même les médecins. L'évêque, M. de Balzins, écrivait « On devrait abolir les médecins, ou du moins nous en donner de plus habiles ou de moins peureux. J'ai eu bien de la peine à faire tirer 150 cadavres à demi pourris qui étaient autour de ma maison. » Un jour, des galériens hésitaient à remplir leurs fonctions funèbres. L'apôtre monte sur l'un des tombereaux, s'assied sur un tas de cadavres et ordonne aux forçats de marcher. La mort et la vertu s'en allaient au cimetière, conduites par le crime et le vice épouvantés et admirants. Sur l'esplanade de la Tourette, au bord de la mer, on avait pendant 3 semaines porté des corps, lesquels, exposés au soleil et fondus par ses rayons, ne présentaient plus qu'un lac empesté. Sur cette surface de chair liquéfiée, les vers seuls imprimaient quelques mouvements à des formes pressées, indéfinies, qui pouvaient avoir des effigies humaines. Quand la contagion commença à se ralentir, M. de Belzunce, à la tête de son clergé, se transporta à l'église des Accoules. Monté sur une esplanade d'où l'on découvrait Marseille, les campagnes, les ports et la mer, il donna la bénédiction comme le pape à Rome bénit la ville et le monde. Quelle main plus courageuse et plus pure pouvait faire descendre sur tant de malheurs les bénédictions du ciel? C'est ainsi que la peste dévasta Marseille, et 5 ans après ces calamités, on plaça sur la façade de l'hôtel de ville l'inscription suivante, comme ces épitaphes pompeuses qu'on lit sur un sépulcre. Massilia focensium filia Romoe soror Carthaginis terror Athenarum oemula. Paris, rue d'Enfer, mai 1832. Le choléra, sorti du delta du Gange en 1817, s'est propagé dans un espace de 2200 lieues du nord au sud et de 3500 de l'orient à l'occident. Il a désolé 1400 villes, moissonné 40 millions d'individus. On a une carte de la marche de ce conquérant. Il a mis 15 années à venir de l'Inde à Paris. C'est allé aussi vite que Bonaparte. Celui-ci employa à peu près le même nombre d'années à passer de Cadix à Moscou. Il n'a fait périr que 2 ou 3 millions d'hommes. Qu'est-ce que le choléra? Est-ce un vent mortel? Sont-ce des insectes que nous avalons et qui nous dévorent? Qu'est-ce que cette grande mort noire armée de sa faux, qui, traversant les montagnes et les mers, est venue comme une de ces terribles pagodes adorées au bord du Gange, nous écraser aux rives de la Seine sous les roues de son char? Si ce fléau fut tombé au milieu de nous dans un siècle religieux, qu'il se fût élargi dans la poésie des mœurs et des croyances populaires, il eût laissé un tableau frappant. Figurez-vous un drap mortuaire flottant en guise de drapeau au haut des tours de Notre-Dame, le canon faisant entendre par intervalles des coups solitaires pour avertir l'imprudent voyageur de s'éloigner, un cordon de troupes cernant la ville et ne laissant entrer ni sortir personne, les églises remplies d'une foule gémissante, les prêtres psalmodiant jour et nuit les prières d'une agonie perpétuelle, le viatique porté de maison en maison avec des cierges et des sonnettes, les cloches ne cessant de faire entendre le glas funèbre, les moines, un crucifix à la main, appelant dans les carrefours le peuple à la pénitence, prêchant la colère et le jugement de Dieu, manifestés sur les cadavres déjà noircis par le feu de l'enfer. Puis les boutiques fermées, le pontife entouré de son clergé, allant avec chaque curé à la tête de sa paroisse, prendre la chasse de Sainte Geneviève. Les saintes reliques promenées autour de la ville, précédées de la longue procession des divers ordres religieux, confréries, corps de métier, congrégations de pénitents, théories de femmes voilées, écoliers de l'université, desservants des hospices, soldats sans armes ou les piques renversées. Le miséréré chanté par les prêtres, se mêlant aux cantiques des jeunes filles et des enfants, tous, à certains signaux, se prosternant en silence et se relevant pour faire entendre de nouvelles plaintes. Rien de tout cela. Le choléra nous est arrivé dans un siècle de philanthropie, d'incrédulité, de journaux, d'administration matérielle. Ce fléau sans imagination n'a rencontré ni vieux cloître, ni religieux, ni caveau, ni tombe gothique. Comme la terreur en 1793, il s'est promené d'un air moqueur, à la clarté du jour, dans un monde tout neuf, accompagné de son bulletin qui racontait les remèdes qu'on avait employés contre lui, le nombre des victimes qu'il avait faites, où il en était, l'espoir qu'on avait de le voir encore finir, les précautions qu'on devait prendre pour se mettre à l'abri, ce qu'il fallait manger, comment il était bon de se vêtir, et chacun continuait de vaquer à ses affaires, et les salles de spectacle étaient pleines. J'ai vu des ivrognes à la barrière, assis devant la porte du cabaret, buvant sur une petite table de bois et disant, en élevant leur verre, « À ta santé, Morbus !» Morbus, par reconnaissance, accourait, et il tombait mort sous la table. Les enfants jouaient au choléra, qu'ils appelaient le Nicolas Morbus et le Scélérat Morbus. Le choléra avait pourtant sa terreur, un brillant soleil, l'indifférence de la foule, le train ordinaire de la vie qui se continuait partout, donnait à ces jours de peste un caractère nouveau et une autre sorte d'épouvante. On sentait un malaise dans tous les membres. Un vent du nord, sec et froid, vous desséchait. L'air avait une certaine saveur métallique qui prenait à la gorge. Dans la rue du Cherche-Midi, des fourgons du dépôt d'artillerie faisaient le service des cadavres. Dans la rue de Sèvres, complètement dévastée, surtout d'un côté, les corbillards allaient et venaient de porte en porte. Ils ne pouvaient suffire aux demandes, on leur criait par les fenêtres « Corbillard, ici !» Le cocher répondait qu'il était chargé et ne pouvait servir tout le monde. Un de mes amis, M. Pouqueville, venant dîner chez moi le jour de Pâques, arrivé au boulevard du Montparnasse, fut arrêté par une succession de bières presque toutes portées à bras. Il aperçut dans cette procession le cercueil d'une jeune fille sur lequel était déposée une couronne de roses blanches. Une odeur de chlore formait une atmosphère empestée à la suite de cette ambulance fleurie. Sur la place de la Bourse, où se réunissaient des cortèges d'ouvriers en chantant la Parisienne, on vit souvent jusqu'à 11 heures du soir défiler des enterrements vers le cimetière Montmartre à la lueur de torches de goudron. Le Pont-Neuf était encombré de brancards chargés de malades pour les hôpitaux ou de morts expirés dans le trajet. Le péage cessa quelques jours sur le pont des Arts. Les échoppes disparurent et, comme le vent du nord-est soufflait, tous les étalagistes et toutes les boutiques des quais fermèrent. On rencontrait des voitures enveloppées d'une banne et précédées d'un corbeau ayant en tête un officier de l'état civil vêtu d'un habit de deuil tenant une liste en main. Ces tabellions manquèrent, on fut obligé d'en appeler de Saint-Germain, de la Villette, de Saint-Cloud. Ailleurs, les corbillards étaient encombrés de 5 ou 6 cercueils retenus par des cordes. Des omnibus et des fiacres servaient au même usage. Il n'était pas rare de voir un cabriolet orné d'un mort couché sur sa devancière. Quelques décédés étaient présentés aux églises. Un prêtre jetait de l'eau bénite sur ses fidèles de l'éternité réunis. À Athènes, le peuple crut que les puits voisins du Pirée avaient été empoisonnés. À Paris, on accusa les marchands d'empoisonner le vin, les liqueurs, les dragées et les comestibles. Plusieurs individus furent déchirés, traînés dans le ruisseau, précipités dans la Seine. L'autorité a eu à se reprocher des avis maladroits ou coupables. Comment le fléau, étincelle électrique, passa-t-il de Londres à Paris, on ne le saurait expliquer. Cette mort fantasque s'attache souvent à un point du sol, à une maison, et laisse sans y toucher les alentours de ce point infesté. Puis elle revient sur ses pas et reprend ce qu'elle avait oublié. Une nuit, je me sentis attaquée. Je fus saisie d'un frisson avec des crampes dans les jambes. Je ne voulus pas sonner, de peur d'effrayer Madame de Chateaubriand. Je me levai, je chargeai mon lit de tout ce que je rencontrais dans ma chambre, et me remettant sous mes couvertures, une sueur abondante me tira d'affaire. Mais je demeurai brisée, et ce fut dans cet état de malaise que je fus forcée d'écrire ma brochure sur les 12 000 francs de Madame la Duchesse de Berry. Je n'aurais pas été trop fâchée de m'en aller, emportée sous le bras de ce fils aîné de Vishnu. Dans le regard lointain, tua Bonaparte sur son rocher à l'entrée de la mer des Indes. Si tous les hommes, atteints d'une contagion générale, venaient à mourir, qu'arriverait-il? Rien. La terre, dépeuplée, continuerait sa route solitaire, sans avoir besoin d'autres astronomes pour compter ses pas que celui qui les a mesurés de toute éternité. Elle ne présenterait aucun changement aux habitants des autres planètes. Ils la verraient accomplir ses fonctions accoutumées. Sur sa surface, nos petits travaux, nos villes, nos monuments seraient remplacés par des forêts rendues à la souveraineté des lions. Aucun vide ne se manifesterait dans l'univers. Et cependant, il y aurait de moins cette intelligence humaine qui sait les astres et s'élève jusqu'à la connaissance de leur auteur. Qu'êtes-vous donc ? Ô immensité des œuvres de Dieu, où le génie de l'homme, qui équivaut à la nature entière, s'il venait à disparaître, ne ferait pas plus faute que le moindre atome retranché de la création. Paris, rue d'Enfer, mai 1832. Madame de Berry a son petit conseil à Paris, comme Charles X a le sien. On recueillait en son nom de chétives sommes pour secourir les plus pauvres royalistes. Je proposais de distribuer aux colériques une somme de 12 000 francs de la part de la mère de Henri V. On écrivit à Massa, et non seulement la princesse approuva la disposition des fonds, mais elle aurait voulu qu'on eût réparti une somme plus considérable. Son approbation arriva le jour même où j'envoyais l'argent aux mairies. Ainsi, tout est rigoureusement vrai dans mes explications sur le don de l'exilé. Le 14 d'avril, j'envoyais au préfet de la Seine la somme entière pour être distribuée à la classe indigente de la population de Paris, atteinte de la contagion. M. de Bondy ne se trouva point à l'hôtel de ville lorsque ma lettre lui fut portée. Le secrétaire général ouvrit ma missive, ne se crut pas autorisé à recevoir l'argent. 3 jours s'écoulèrent. M. de Bondy me répondit enfin qu'il ne pouvait accepter les 12 000 francs parce que l'on verrait sous une bienfaisance apparente une combinaison politique contre laquelle la population parisienne protesterait tout entière par son refus. Alors mon secrétaire passa aux 12 mairies. Sur 5 maires présents, 4 acceptèrent le don de 1 000 francs. 1 le refusa. Des 7 maires absents, 5 gardèrent le silence. 2 refusèrent. Je fus aussitôt assiégé d'une armée d'indigents, bureaux de bienfaisance et de charité, ouvriers de toutes les espèces, femmes et enfants, polonais et italiens exilés, littérateurs, artistes, militaires, tous écrivirent, tous réclamèrent une part de bienfaits. Si j'avais eu 1 000 000, il eût été distribué en 2 heures. M. de Bondy avait tort de dire que la population parisienne tout entière protesterait par son refus. La population de Paris prendra toujours l'argent de tout le monde. Les farades du gouvernement étaient à mourir de rire. On eût dit que ce perfide argent légitimiste allait soulever les colériques, exciter dans les hôpitaux une insurrection d'agonisants pour marcher à l'assaut des Tuileries, cercueils battants, glas tintants, suaire déployée sous le commandement de la mort. Ma correspondance avec les maires se prolongea par la complication du refus du préfet de Paris. Quelques-uns m'écrivirent pour me renvoyer mon argent ou pour me redemander leur reçu des dons de Madame la Duchesse de Berry. Je le les renvoyai loyalement et je délivrai cette quittance à la mairie du 12e arrondissement. J'ai reçu de la mairie du 12e arrondissement la somme de 1 000 francs qu'elle avait d'abord acceptée et qu'elle m'a renvoyée par l'ordre de Monsieur le Préfet de la Seine. Paris, ce 22 avril 1832. Le maire du 9e arrondissement, M. Cronier, fut plus courageux. Il garda les 1 000 francs et fut destitué. Je lui écrivis ce billet, 29 avril 1832. « Monsieur, j'apprends avec une sensible peine la disgrâce dont le bienfait de Madame la Duchesse de Berry a été envers vous la cause ou le prétexte. Vous aurez pour vous consoler l'estime publique, le sentiment de votre indépendance et le bonheur de vous être sacrifié à la cause des malheureux. J'ai l'honneur, etc., etc. » Le maire du 4e arrondissement est tout un autre homme. M. Cadet de Gassicourt, poète pharmacien, faisant des petits vers, écrivant dans son temps, du temps de la liberté et de l'empire, une agréable déclaration classique contre ma prose romantique et contre celle de Madame de Staël. M. Cadet de Gassicourt est le héros qui a pris d'assaut la croix du portail Saint-Germain-l'Auxerrois et qui, dans une proclamation sur le choléra, a fait entendre que ces méchants carlistes pourraient bien être les empoisonneurs du vin dont le peuple avait déjà fait bonne justice. L'illustre champion m'a donc écrit la lettre suivante. Paris, le 18 avril 1832. Monsieur, j'étais absent de la mairie quand la personne envoyée par vous s'y est présentée. Cela vous expliquera le retard qu'a éprouvé ma réponse. Monsieur le préfet de la Seine, n'ayant point accepté l'argent que vous êtes chargé de lui offrir, me semble avoir tracé la conduite que doivent suivre les membres du conseil municipal. J'imiterai d'autant plus l'exemple de Monsieur le Préfet que je crois connaître et que je partage entièrement les sentiments qui ont dû motiver son refus. Je ne relèverai qu'en passant le titre d'Altesse royale donné avec quelque affectation à la personne dont vous vous constituez l'organe. La belle-fille de Charles X n'est pas plus Altesse royale en France que son beau-père n'y est roi. Mais, monsieur, il n'est personne qui ne soit moralement convaincu que cette dame agit très activement et répand des sommes bien autrement considérables que celles dont elle vous a confié l'emploi pour exciter des troubles dans notre pays et y faire éclater la guerre civile. L'aumône qu'elle a la prétention de faire n'est qu'un moyen d'attirer sur elle et sur son parti une attention et une bienveillance que ses intentions sont loin de justifier. Vous ne trouverez donc pas extraordinaire qu'un magistrat fermement attaché à la royauté constitutionnelle de Louis-Philippe refuse des secours qui viennent d'une source pareille et cherche auprès de vrais citoyens des bienfaits plus purs adressés sincèrement à l'humanité et à la patrie. Je suis, avec une considération très distinguée, monsieur, etc., F. Cadet de Gassicourt. Cette révolte de monsieur Cadet de Gassicourt contre cette dame et contre son beau-père est bien fière. Quel progrès des Lumières et de la philosophie! Quelle indomptable indépendance! Messieurs Fleurant et Purgon n'osaient regarder la face des gens qu'à genoux. Lui, monsieur Cadet, dit comme le Cid, « Nous nous levons alors !» Sa liberté est d'autant plus courageuse que ce beau-père, autrement dit le fils de Saint-Louis, est proscrit. Monsieur de Gassicourt est au-dessus de tout cela. Il méprise également la noblesse du temps et du malheur. C'est avec le même dédain des préjugés aristocratiques qu'il me retranche le « de » et s'en empare comme d'une conquête faite sur la gentilhommerie. Mais n'y aurait-il point quelques anciennes rivalités, quelques anciens démêlés historiques entre la maison des Cadets et la maison des Capets? Henri IV, aïeul de ce beau-père, qui n'est pas plus roi que cette dame née Altesse royale, traversait un jour la forêt de Saint-Germain. 8 seigneurs s'y étaient embusqués pour tuer le Béarnais. Ils furent pris. Un de ces galants, dit l'Estoile, estoit un apothicaire qui demanda de parler au roi, auquel sa majesté s'étant enquis de quel état il estoit, il lui répondit qu'il estoit apothicaire. « Comment, dit le roi, a-t-on accoutumé de faire ici un état d'apothicaire? Guettez-vous les passants pour... » Henri IV était soldat. La pudeur ne l'embarrassait guère. Il ne reculait pas plus devant un mot que devant l'ennemi. Je soupçonne monsieur de Gassicourt, à cause de son humeur contre le petit-fils de Henri IV, d'être le petit-fils du pharmacien Ligueur. Le maire du 4e arrondissement m'avait sans doute écrit dans l'espoir que j'engagerais le fer avec lui. Mais je ne veux rien engager avec monsieur Cadet. Qu'il me pardonne ici de lui laisser une petite marque de mon souvenir. Depuis ces jours où j'avais vu passer les grandes révolutions et les grands révolutionnaires, tout s'était bien racorni. Les hommes qui ont fait tomber un chêne, replantés trop vieux pour qu'il reprît racine, se sont adressés à moi. Ils m'ont demandé quelques deniers de la veuve afin d'acheter du pain. La lettre du comité des décorés de juillet est un document utile à noter pour l'instruction de l'avenir. Paris, le 20 avril 1832. Réponse, s'il vous plaît, à M. Gibert Arnaud, gérant secrétaire du comité rue Saint-Nicaise, numéro 3. Monsieur le Vicomte, les membres de notre comité viennent avec confiance vous prier de vouloir bien les honorer d'un don à faveur des décorés de juillet. Père de famille malheureux, dans ce moment de fléau et de misère, la bienfaisance inspire la plus grande gratitude. Nous osons espérer que vous consentirez à laisser mettre votre illustre nom à côté de celui de messieurs le général Bertrand, le général Exelmans, le général Lamarck, le général Lafayette, de plusieurs ambassadeurs, de pairs de France et de députés. Nous vous prions de nous honorer d'un mot de réponse, et si, contre notre attente, un refus succédait à notre prière, soyez assez bon pour nous faire le renvoi de la présente. Dans les plus doux sentiments, nous vous prions, monsieur le Vicomte, d'agréer l'hommage de nos respectueuses salutations. Les membres actifs du comité constitutif des décorés de juillet. Le membre visiteur Fort. Le commissaire spécial Cyprien Desmarais. Le gérant secrétaire Gibert Arnaud. Membre adjoint Tourelle. Je n'avais garde de perdre l'avantage que me donnait ici sur elle la révolution de juillet. En distinguant entre les personnes, on créerait des ilotes parmi les infortunés, lesquels, pour certaines opinions politiques, ne pourraient jamais être secourus. Je me hâtais d'envoyer 100 francs à ces messieurs avec ce billet. Paris, ce 22 avril 1832. Messieurs, je vous remercie infiniment de vous être adressés à moi pour venir au secours de quelques pères de famille malheureux. Je m'empresse de vous envoyer la somme de 100 francs. Je regrette de n'avoir pas un don plus considérable à vous offrir. J'ai l'honneur, etc. Chateaubriand. Le reçu suivant me fut à l'instant envoyé. Monsieur le vicomte, j'ai l'honneur de vous remercier et de vous accuser réception de la somme de 100 francs que vos bontés destinent à secourir les malheureux de Juillet. Salut et respect, le gérant secrétaire du comité, Gibert Arnaud. 23 avril. Ainsi, madame la duchesse de Berry aura fait l'aumône à ceux qui l'ont chassée. Les transactions montrent à nu le fond des choses. Croyez donc à quelque réalité dans un pays où personne ne prend soin des invalides de son parti, où les héros de la veille sont les délaissés du lendemain, où un peu d'or fait accourir la multitude comme les pigeons d'une ferme s'empressent sous la main qui leur jette le grain. Il me restait encore 4 000 francs sur les 12. Je m'adressai à la religion. Monseigneur l'archevêque de Paris m'écrivit cette noble lettre. Paris, le 26 avril 1832. Monsieur le vicomte, la charité est catholique comme la foi, étrangère aux passions des hommes, indépendante de leurs mouvements. Un des principaux caractères qui la distingue est, selon saint Paul, de ne point penser le mal, non cogitat malum. Elle bénit la main qui donne et la main qui reçoit, sans attribuer au généreux bienfaiteur d'autre motif que celui de bien faire, et sans demander aux pauvres nécessiteux d'autres conditions que celles du besoin. Elle accepte avec une profonde et sensible reconnaissance le don que l'auguste veuve vous a chargé de lui confier pour être employée au soulagement de nos malheureux frères, victimes du fléau qui désole la capitale. Elle fera, avec la plus exacte fidélité, la répartition des 4 000 francs que vous m'avez remis de sa part, dont ma lettre est une nouvelle quittance, mais dont j'aurai l'honneur de vous envoyer l'état de distribution lorsque les intentions de la bienfaitrice auront été remplies. Veuillez, monsieur le vicomte, faire agréer à madame la duchesse de Berry les remerciements d'un pasteur et d'un père qui, chaque jour, offre à Dieu sa vie pour ses brebis et ses enfants, et qui appelle de tous côtés les secours capables d'égaler leur misère. Son cœur royal a trouvé déjà en lui-même, sans doute, sa récompense du sacrifice qu'elle consacre à nos infortunes. La religion lui assure de plus l'effet des divines promesses consignées au livre des béatitudes pour ceux qui font miséricorde. La répartition a été faite sur le champ entre messieurs les curés des 12 principales paroisses de Paris, auxquels j'ai adressé la lettre dont je joins ici la copie. Recevez, monsieur le vicomte, l'assurance, etc. Hyacinthe, archevêque de Paris. On est toujours émerveillé de savoir à quel point la religion convient au style même et donne au lieu commun une gravité et une convenance que l'on sent tout d'abord. Ceci contraste avec le tas de lettres anonymes qui se sont mêlées aux lettres que je viens de citer. L'orthographe de ces lettres anonymes est assez correcte, l'écriture jolie. Elles sont à proprement parler littéraires, comme la Révolution de Juillet. Ce sont les jalousies, les haines, les vanités écrivassières, à l'aise sous l'inviolabilité d'une poltronnerie qui, ne montrant pas son visage, ne peut pas être rendue visible par un soufflet. Échantillon. Voudrais-tu nous dire, vieux républicain kyste, le jour où tu voudras graisser tes mocassines? Il nous sera facile de te procurer de la graisse de chouan, et si tu voulais du sang de tes amis pour écrire leur histoire, il n'en manque pas dans la boue de Paris, son élément. Vieux brigand, demande à ton scélérat et digne ami Fitz-James si la pierre qu'il a reçue dans la partie féodale lui a fait plaisir. Tas de canailles, nous vous arracherons les tripes du ventre, etc., etc. Dans une autre missive, on voit une potence très bien dessinée avec ces mots « Mets-toi aux genoux d'un prêtre, fais acte de contrition, car on veut ta vieille tête pour finir tes trahisons. » Au surplus, le choléra dure encore. La réponse que j'adresserais à un adversaire connu ou inconnu lui arriverait peut-être lorsqu'il serait couché sur le seuil de sa porte. S'il était au contraire destiné à vivre, où sa réplique me parviendrait-elle? Peut-être dans ce lieu de repos dont aujourd'hui personne ne peut s'effrayer, surtout nous autres hommes qui avons étendu nos années entre la terreur et la peste, premier et dernier horizon de notre vie, trêve, laissons passer les cercueils. Paris, rue d'Enfer, 10 juin 1832. Le convoi du général Lamarque a amené 2 journées sanglantes et la victoire de la quasi-légitimité sur le parti républicain. Ce parti incomplet et divisé a fait une résistance héroïque. On a mis Paris en état de siège. c'est la censure sur la plus grande échelle possible. La censure à la manière de la Convention, avec cette différence qu'une commission militaire remplace le tribunal révolutionnaire. On fait fusiller en juin 1832 les hommes qui remportèrent la victoire en juillet 1830. Cette même école polytechnique, cette même artillerie de la garde nationale, on les sacrifie. Elles conquirent le pouvoir pour ceux qui les foudroient, les désavouent et les licencient. Les républicains ont certainement le tort d'avoir préconisé des mesures d'anarchie et de désordre. Mais que n'employâtes-vous d'aussi nobles bras à nos frontières ? Ils nous auraient délivrés du joug ignominieux de l'étranger. Des têtes généreuses, exaltées, ne seraient pas restées à fermenter dans Paris, à s'enflammer contre l'humiliation de notre politique extérieure et contre la foi mentie de la royauté nouvelle. Vous avez été impitoyable. Vous qui, sans partager les périls des trois journées, en avez recueilli le fruit. Allez maintenant avec les maires reconnaître les corps de ces décorés de juillet, de qui vous tenez place, richesse, honneur. Jeunes gens, vous n'obtenez pas tous le même sort sur le même rivage. Vous avez un tombeau sous la colonnade du Louvre et une place à la morgue. Les uns pour avoir ravi, les autres pour avoir donné une couronne. Vos noms qui laissaient, vous, sacrificateurs et victimes à jamais ignorées d'une révolution mémorable. Le sang dont sont cimentés les monuments que les hommes admirent, est-il connu ? Les ouvriers qui bâtirent la grande pyramide pour le cadavre d'un roi sans gloire dorment oubliés dans le sable, auprès de l'indigente racine qui servit à les nourrir pendant leur travail. Paris, rue d'Enfer, fin de juillet 1832. Madame la duchesse de Berry n'a pas eu plus tôt sanctionné la mesure des 12 000 francs qu'elle s'est embarquée pour sa fameuse aventure. Le soulèvement de Marseille a manqué, il ne restait plus qu'à tenter l'Ouest. Mais la gloire vendéenne est une gloire à part, elle vivra dans nos fastes. Toutefois, les trois quarts ennemis de la France ont choisi une autre gloire, objet de jalousie ou d'antipathie. La Vendée est une oriflamme vénérée et admirée dans le trésor de Saint-Denis, sous laquelle désormais la jeunesse et l'avenir ne se rangeront plus. Madame, débarquée comme Bonaparte sur la côte de Provence, n'a pas vu le drapeau blanc voler de clocher en clocher. Trompée dans son attente, elle s'est trouvée presque seule à terre avec Monsieur de Bourmont. Le maréchal voulait lui faire repasser sur le champ la frontière. Elle a demandé la nuit pour y penser. Elle a bien dormi parmi les rochers au bruit de la mer. Le matin, en se réveillant, elle a trouvé un noble songe dans sa pensée. « Puisque je suis sur le sol de la France, je ne m'en irai pas. Partons pour la Vendée. » Monsieur de, averti par un homme fidèle, l'a prise dans sa voiture comme sa femme, a traversé avec elle toute la France et est venu la déposer à... Elle est demeurée quelque temps dans un château, sans être reconnue de personne, excepté du curé du lieu. Le maréchal de Bourmont doit la rejoindre en Vendée par une autre route. Instruit de tout cela à Paris, il nous était facile de prévoir le résultat. L'entreprise a pour la cause royaliste un autre inconvénient. Elle va découvrir la faiblesse de cette cause et dissiper les illusions. Si Madame ne fût point descendue dans la Vendée, la France aurait toujours cru qu'il y avait dans l'Ouest un camp royaliste au repos, comme je l'appelais. Mais enfin, il restait encore un moyen de sauver Madame et de jeter un nouveau voile sur la vérité. Il fallait que la princesse partît immédiatement. Arrivée à ses risques et périls, comme un brave général qui vient passer son armée en revue, tempérer son impatience et son ardeur, elle aurait déclaré être accourue pour dire à ses soldats que le moment d'agir n'était point encore favorable, qu'elle reviendrait se mettre à leur tête quand l'occasion l'appellerait. Madame aurait du moins montré une fois un Bourbon aux Vendéens, les ombres de Catelino, des Delbé, des Bonchamps, des La Roche-Jacquelin, des Charette, se fussent réjouis. Notre comité s'est rassemblé. Tandis que nous discourions, arrive de Nantes un capitaine qui nous apprend le lieu habité par l'héroïne. Le capitaine est un beau jeune homme, brave comme un marin, original comme un breton. Il désapprouvait l'entreprise. Il la trouvait insensée. Mais il disait, « Madame ne s'en va pas. Il s'agit de mourir et voilà tout. Et puis, messieurs du conseil, faites pendre Walter Scott, car c'est lui qui est le vrai coupable. » Je fus d'avis d'écrire notre sentiment à la princesse. M. Berryer, se disposant à aller plaider un procès à Quimper, s'est généreusement proposé pour porter la lettre et voir madame s'il le pouvait. Quand il a fallu rédiger le billet, personne ne se souciait de l'écrire, je m'en suis chargé. Notre messager est parti et nous avons attendu l'événement. J'ai bientôt reçu par la poste le billet suivant qui n'avait point été cacheté et qui sans doute avait passé sous les yeux de l'autorité. Angoulême, 7 juin. Monsieur le Vicomte, j'avais reçu et transmis votre lettre de vendredi dernier lorsque, dans la journée de dimanche, le préfet de la Loire-Inférieure m'a fait inviter à quitter la ville de Nantes. J'étais en route et aux portes d'Angoulême. Je viens d'être conduit devant le préfet qui m'a notifié un ordre de M. de Montalivet qui prescrit de me reconduire à Nantes sous l'escorte de la gendarmerie. Depuis mon départ de Nantes, le département de la Loire-Inférieure est mis en état de siège. Par ce transport, tout illégal, on me soumet donc aux lois d'exception. J'écris au ministre pour lui demander de me faire appeler à Paris. Il a ma lettre par ce même courrier. Le but de mon voyage à Nantes paraît être tout à fait mal interprété. Jugez dans votre prudence si vous jugeriez convenable d'en parler au ministre. Je vous demande pardon de vous faire cette demande, mais je ne peux l'adresser qu'à vous. Croyez, je vous prie, monsieur le vicomte, à mon vieil et sincère attachement comme à mon profond respect. Votre tout dévoué serviteur, Berryer, fils. Post-scriptum, il n'y a pas un moment à perdre si vous voulez bien voir le ministre. Je me rends à Tours où ces nouveaux ordres me trouveront encore dans la journée de dimanche. Il peut les transmettre ou par le télégraphe ou par estafette. J'ai fait connaître à monsieur Berryer par cette réponse le parti que j'avais pris. Paris, 10 juin 1832. J'ai reçu, monsieur, votre lettre datée d'Angoulême le 7 de mois. Il était trop tard pour que je visse monsieur le ministre de l'Intérieur comme vous le désiriez. Mais je lui ai écrit immédiatement en lui faisant passer votre propre lettre incluse dans la mienne. J'espère que la méprise qui a occasionné votre arrestation sera bientôt reconnue et que vous serez rendu à la liberté et à vos amis, au nombre desquels je vous prie de me compter. 1000 compliments empressés et nouvelle assurance de mon entier et sincère dévouement, Chateaubriand. Voici ma lettre au ministre de l'Intérieur. Paris, ce 9 juin 1832. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je reçois à l'instant la lettre ci incluse. Comme il est vraisemblable que je ne pourrai parvenir jusqu'à vous aussi promptement que le désire monsieur Berryer, je prends le parti de vous envoyer sa lettre. Sa réclamation me semble juste. Il sera innocent à Paris comme à Nantes et à Nantes comme à Paris. C'est ce que l'autorité reconnaîtra et elle évitera en faisant droit à la réclamation de M. Berryer de donner à la loi un effet rétroactif. J'ai l'honneur d'être, etc., etc., Chateaubriand. Fin de la section 4.